On va parler des Saguenay de Chicoutimi ou encore du projet Amphithéâtre Plus qui fait beaucoup parler aux Saguenay. Évidemment, il y a un groupe de citoyens, un groupe de partisans des Saguenay également, qui ont décidé de partir une page Facebook où ce qu'on peut échanger un peu avec les gens de ce projet-là. Et on va parler avec un de ces administrateurs-là de la page, c'est Michel Julien, pour parler un peu du projet. Bonjour, bonjour, Monsieur Julien. Oui, bonjour. Monsieur Julien, d'abord, pourquoi avez-vous parti ce projet-là? Ben, nous, on a parti le projet, évidemment, c'est que ce projet-là avait été démarré là, avant les fêtes par Mme Néron, qui a fait une présentation. On trouvait un petit peu que ça boitait dans le sens que ça avait été présenté d'une façon où il y a eu beaucoup de contestations là, au niveau des échevins. Et puis, nous, à partir du moment où ce qu'ils ont fait la dernière séance du conseil, là, où il y a eu une proposition là, de faire une consultation pour le projet. Alors nous, à ce moment-là, nous, on a dit, ben une consultation, pourquoi? Fait que, ça nous a, en fait, décidé de faire une page pour informer les gens, donner l'information précise, là, assez précise, là, pour pas que les gens soient mal informés. Dans le sens que si on rencontre quelqu'un, ça rue, ils nous disent, ah, c'est un projet de 80 millions. Oui, c'est un projet de 80 millions, mais ce qu'on a oublié de dire également, c'est qu'il y a des subventions qui sont rattachées à ça. Et puis, ce qui baisse les coûts au niveau de la municipalité. Oui, mais les gens qui sont contre vont vous dire, et puis ça, je me les suis fait dire en fin de semaine, parce que Phil Desgagnés parle à ma radio, puis Phil l'a très bien expliqué la semaine passée. Il a dit 2 tiers de l'argent va venir des programmes fédéraux et provinciaux. Mais les gens sont contre, ils vont vous dire, oui, mais c'est la même argent. Ouais, effectivement, c'est la même argent qui se promène. Mais au lieu qu'elle se promène soit à Rimouski, soit à Trois-Rivières ou ailleurs, on l'a chez nous. Faut en profiter. On paye des impôts également, nous autres. Fait qu'il faut avoir un retour de tout ça. Évidemment, c'est que, quand on parle de tiers, c'est au niveau des subventions, ben, la ville aura déboursé 26 millions. Faut partir du fait également, là, que ce projet-là, qui a été initié, c'est pas l'aréna qui a été initiée là-dedans. C'est plutôt l'autogare là qui est un équipement qui est désuet, qui est rendu à bout d'âge, qui évidemment a une durée de vie jusqu'en 2021 d'après ce qu'on peut savoir au niveau de la municipalité. Donc c'est un équipement que la centre-ville de Chicoutimi ont besoin, les commerçants ont besoin, fait que faut la reconstruire. Bon, si on part du fait où est-ce qu'on l'a reconstruit à 31 millions, les chiffres qu'ils nous ont donnés par la municipalité. Sans subvention, ça nous coûte 31 millions. Si on fait le projet d'Amphithéâtre Plus, ça nous coûte 26 millions, et puis on vient de corriger 5 problèmes majeurs à la municipalité. C'est un projet de 60 à 70 ans là, à long terme. C'est pas un projet à court terme, là. Tu sais, c'est un projet qui va durer, c'est un projet qui va être durable, un projet économiquement qui va faire avancer le centre-ville de Chicoutimi. On parle de cinq corrections majeures au niveau de la ville. On parle de l'aréna qui. Mettons, si on prend 26,6 millions que ça nous coûte, on le divise en cinq projets, ça nous coûte environ 5,3 millions par projet. Donc, l'autogare nous coûte 5,3 millions au lieu de 31 millions. L'aréna va nous coûter 5,3 millions au lieu d'investir 20-25 millions sur la rénovation. Alors, si on calcule tout ça, c'est un projet qui est quand même intéressant. Est-ce que vous pensez que c'était mal expliqué? Moi, je trouve que c'était très mal expliqué parce que moi, je pense que la mairesse aurait dû, ce qu'elle aurait dû faire, c'est que prendre les deux projets. Comment va coûter le projet du nouvel amphithéâtre? Comment va coûter les rénovations du centre Jean Vézina? Parce que tout le monde s'accorde pour le dire que ça va prendre des rénovations, là. Absolument. Est-ce que vous trouvez que le projet était mal vendu? Ben moi, je pense que oui, le projet était très mal vendu d'une part. Il a été vendu d'une façon globale. Mais ce qu'il faut faire, comme vous dites, vous avez entièrement raison de dire que oui, le projet, ce que c'est que ça nous coûterait avec les subventions, ça nous coûte 26 millions. Puis à côté, on dit, ben, si on fait pas le projet, ben éventuellement, il faut construire l'autogare d'ici 2021. Ça, c'est un must. Alors, c'est 31 millions. L'aréna, il va falloir investir entre 15 et 20 millions, assurément, qu'on a déjà investi 20 millions depuis 2001, là, dans cet aréna-là, qui hier, comme ça fait, avait 70 ans hier, là. Alors, c'est un bâtiment de 70 ans. Investir 20 millions là-dedans, c'est sûr qu'il va y avoir des dépassements de coûts, là, parce qu'en dessous de ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, là. Le béton, c'est à 70 ans, le structural, c'est vieux, là. Tu sais, c'est comme si tu avais une maison que tu dirais, ben, ma maison n'a pas de solage, là, elle a un solage anciennement avec de la pierre, ben, il faut le refaire, le solage, là. Ben, ça vaut-il la peine de refaire un solage quand les murs sont craqués et puis la couverture est finie? C'est une bâtisse qui il y a quand même 70 ans. Il dit pas que la couverture est finie de San Jorge Vizino, c'est un exemple qu'il donne. Ouais, mais c'est reste que tu fais du neuf avec du vieux, fait que ça tu sais jamais. Puis plus le projet retarde et plus ça va augmenter. On parle de 5% de coût d'augmentation par année. Tu sais, le temps que tu consultes la population, moi j'appelle ça de la consulite, ben quelque part, il n'y a rien qui se passe, puis le projet augmente. Là. Alors, dites-moi, est-ce que moi je sens ça d'ici, là, de Dolbeau, Mistassini, puis je peux très bien comprendre, parce que Dolbeau et Mistassini, vous devez savoir que c'est deux villes qui ont été fusionnées. Vous devez savoir. Absolument, comme Chicoutimi-Jonquière. Est-ce que ça sent l'esprit de clocher? Moi, je trouve que ça, de la part des élus, là, Phil l'a très bien expliqué l'autre fois. Et c'est pas les gens de Jonquière, c'est les élus de Jonquière. Très différents, puis Phil avait raison. Est-ce que vous trouvez que ça sent l'esprit de clocher? Moi, je trouve que ça sent l'esprit de clocher à plein nez. Ben, ouais, moi écoutez, je ne veux pas embarquer au niveau politique, mais il y a une apparence d'esprit de clocher, parce que depuis le début du projet, les six échevins du Jonquière ont fait des sorties négatives au niveau du projet. Même il y en a qui veulent rénover le Saint-Georges à gros prix. Nous autres, notre groupe, on sent l'esprit de clocher, mais c'est pas dans cet aspect-là qu'on veut avancer. On veut avancer au niveau de l'information qu'on peut donner aux citoyens pour qu'ils puissent venir sur le site donner leur opinion. Et puis à ce moment-là, ben si tout le monde font ça, Jonquière, Chicoutimi-Labbé, ben il y en a là-dedans, les échevins vous sont contre, mais il y a peut-être des citoyens qui sont pour puis qui vont donner leurs opinions. Nous autres, notre objectif dans ça, là, c'est surtout donner l'information précise, puis informer les gens, réveiller les gens, ce que ça peut nous coûter au niveau de l'équipement qu'on pourrait avoir, là, qui serait quand même un équipement là, régional, mais aussi municipal, mais aussi régional, là, parce qu'il pourrait avoir des spectacles dans ça l'été qui serviraient aussi bien du monde de Dolbeau, puis d'Alma, puis ainsi de suite. Mm. Même actuellement, les Saguenayens de Chicoutimi, il y en a plusieurs d'Alma qui viennent. J'ai connu du monde de Dolbeau qui venait à tous les games. Du lac Saint-Jean, beaucoup. Écoute, il y a 20% de la population qui viennent des Saguenayens, ça je l'ai souvent dit à Richard Letourneau, qui viennent du lac Saint-Jean. 20%. C'est pas rien. Absolument. Là. C'est pas rien. Absolument. Dites-moi, c'est sûr que tout se passe par les médias sociaux aujourd'hui, puis avec raison, là, mais est-ce que le groupe entend prendre des procédures ou encore un plan d'action pour faire augmenter? Ça peut-tu être des réunions publiques? Ça peut-tu être des représentations au conseil municipal? C'est quoi que vous entendez faire? Bon, écoutez, nous, notre groupe, là, ça fait à peu près une semaine et demie, là, que ben, la page est faite depuis deux semaines. Ça va très bien, d'ailleurs. Puis là, actuellement, parce qu'avec notre sortie qu'on a faite hier dans les journaux, et ainsi de suite, ça a triplé là, notre membership. Donc, on est bien content de ça. Oui, on va faire des avancements là-dedans. On a une rencontre d'après-midi, là. On va mettre sur la table tout ce qu'on pourra faire pour pouvoir avancer le dossier, pouvoir faire connaître le dossier à notre monde, puis pouvoir dire à notre monde, vous pouvez donner votre opinion. Puis cette opinion-là est lue par les échevins, là. Oubliez pas ça, puis elle est lue par la mairesse, puis elle est lue par tout le monde. Mm. Donc, ça peut faire avancer le dossier d'une façon, là, d'une façon rapide. Non, effectivement. Ben, gênez-vous pas, on est là pour ça. Nous, même si on est à Dolbeau, à quelque part, c'est Internet. Donc, Internet, c'est partout dans le monde, là. Fait qu'il y a pas de distance. Gênez-vous pas si on peut s'en reparler. Pas de problème. Voilà, donc les gens qui ont fondé une page Facebook pour faire avancer le dossier d'Amphithéâtre Plus.